Chapitre 26e. Céder ou résister à la femme. Paulin Broquet, pendant quelques instants encore, garda son attitude raide et son masque impénétrable. Puis, voyant avec quelle anxiété les yeux du ministre le regardaient, et avec quelle impatience il attendait une réponse, un mot, une explication de lui, il refit en avant le pas qui le rapprocha du bureau, et semblant se dégeler tout à coup, il dit « Monsieur le ministre, je vous prie de vous rappeler que je n'accuse personne. » Que même ayant trouvé sur M. Simonet ses documents, je ne porte pas contre lui la plus simple accusation. Permettez-moi de m'expliquer. Je vous écoute, dit le ministre, et j'espère que vos bonnes paroles arracheront de mon cœur le poids qui l'écrase. Parlez, mon cher Broquet, parlez. Monsieur le ministre, M. Simonet, votre chef de cabinet et votre parent, est un garçon charmant qui, avec toutes les qualités de son âge, a tous les défauts de ses qualités. Il est jeune, il est beau, il est séduisant, il est charmant. Il occupe un poste élevé et envié, un poste redoutable. Il devait être en proie à de multiples tentations. M. Simonet était entouré, comme tous ceux qui, dans les ministères, occupent des situations prépondérantes, de femmes jolies, séduisantes, blondes ou brunes, dont la trace parfumée erre dans les couloirs. Celles qu'on appelle les petites banquettes s'insinuent partout, attirent chez elles, et souvent d'un sourire, d'une grâce accordée, d'une faveur chèrement vendue, enlève un secret et arrache l'honneur à celui qui n'a pas su résister. Simonet a-t-il eu cette force? Ne l'a-t-il pas eu? Tel est le problème qu'aujourd'hui nous devons seulement nous poser. Le détective reprit. S'il est un fait, qui dès maintenant est acquis et prouvé, c'est que le jeune Reynaud perdait beaucoup d'argent en course et dans des baccarats où il espérait se rattraper. Il perdait d'autant plus qu'il était entouré de gens ayant tout intérêt à lui voir perdre beaucoup d'argent, parce qu'il devait, dans son désastre, recourir à ces mêmes gens. Le jeune Reynaud avait comme banquier principal, qui lui arrachait chaque fois l'épine qu'il avait dans le pied, le singulier banquier James Benhamol, égyptien, sujet anglais. Ce James Benhamol est à Paris correspondant de divers journaux étrangers, de gazettes allemandes. Il a, soit à Paris, soit en province, des correspondants pour ces journaux étrangers. Il a également des courtiers pour ses diverses opérations de bourse allemande. C'est un des principaux financiers s'attachant à l'introduction en France, à la Bourse de Paris, des valeurs allemandes. Ce James Benhamol, je le regrette, nous n'avons pas encore pu le prendre en défaut. Ce n'était pas pour ses beaux yeux que le jeune Reynaud obtenait son concours, je crois l'avoir établi. Le jeune Reynaud lui a vendu le chemin qui conduit, par le bureau de M. Simonet, à votre bureau, jusqu'à l'armoire de fer. Il lui a vendu l'empreinte de la clé qui ouvre l'armoire de fer et les mots secrets que devant lui, certainement, avait prononcé ou avait écrit M. Simonet, sans lesquels on ne peut ouvrir la précieuse armoire. C'était donc par le jeune Reynaud que les fuites s'opéraient et que les traîtres, les espions, pénétraient dans le ministère. Mais heureusement, Reynaud est sous les verrous et nous sommes délivrés de son malheureux office. Grâce à vous, mon cher Broquet. Or maintenant, monsieur le ministre, je suppose que la réponse à cette arrestation c'est le coup de poignard qu'a reçu M. Simonet. Croyez-vous, ma plus chère espérance est de pouvoir justifier cette hypothèse. Pour quelle raison, en effet, a-t-on frappé M. Simonet? Et qui l'a frappé? Ce n'est pas par jalousie ou pour sauvegarder l'honneur de sa sœur, compromise par les assiduités de M. Simonet, que le marquis Don Isigo Martolo aurait fait assassiner M. Simonet. Ce n'est pas non plus le baron Périgourdin de la Roucoulière qui a pu se rendre coupable de ce forfait. Don Isigo acceptait cette situation. Le baron a une botte secrète. Un coup d'épée de la Roucoulière qui, paraît-il, est infaillible et tue inévitablement quiconque se trouve en face de lui sur le terrain. Fort heureusement pour l'humanité, jusqu'à présent, le baron de la Roucoulière n'a pas eu de duel. Écartons donc ce gentilhomme et nous aurons avec lui mis de côté tout ce qui a rapport à la belle Pepa d'Ortega et au marquis Don Isigo. C'est juste. Il reste désormais ceux qui sont venus piller déjà le coffre de l'armoire de fer, ceux à qui Reynaud a vendu les secrets et l'empreinte des clés. Nous avons eu tort, mon cher Broquet, de ne pas faire modifier aussitôt les serrures, de ne pas changer d'armoire. Paulin Broquet s'inclina, puis il reprit. Après l'arrestation de Reynaud, j'ai failli ici arrêter l'homme qui me glisse dans les doigts grâce à sa peau d'anguille. Or, quelques jours après, des documents disparaissaient encore du ministère, et ces documents, nous venons de les retrouver dans la poche de M. Simonet. Ce serait donc M. Simonet qui seul les aurait livrés? Paulin Broquet reprit. Sans vouloir faire de présomption, mais suivant mon instinct, Et pour une fois, dans une affaire de police, écoutant mon cœur, parce que cette affaire vous touche, monsieur le ministre, je vous dis ceci. On a voulu par ce coup nous montrer qu'alors que Reynaud était en prison, on pouvait quand même pénétrer dans le ministère. Pour cela, on a mis les papiers dérobés dans la poche de Simonet. Pour cela, on l'a blessé exprès afin que nous trouvions dans sa poche ces documents dont la photographie est parvenue en Allemagne. Voilà mon opinion, monsieur le ministre. Monsieur Desboisbilly poussa un cri. Mon cher Broquet, je vous remercie. Vous venez d'ouvrir un horizon vers lequel mon âme s'élance. Vous venez de m'arracher à cette angoisse effroyable de la trahison. Si, tout à l'heure, je vous disais, décidé à pousser mon devoir jusqu'au bout, inflexible dans le cours de la loi, je vous disais, maintenant agissons, je vous répète, Paulin Broquet, dépêchons-nous. Hâtons-nous d'enlever à jamais du front de ce malheureux garçon, de cette victime, le soupçon de déshonneur que vous et moi pouvons concevoir. Paulin Broquet reprit. Je pense que ces documents se trouvaient dans la poche de M. Simonet sans que M. Simonet pût soupçonner qu'ils y étaient. C'est ce point que nous devons établir tout de suite. C'est certain. Monsieur le ministre, vous aviez l'intention de vous rendre auprès du blessé pour prendre de ses nouvelles. Je crois qu'il sera ce moment assez fort pour répondre à nos questions. Je l'espère aussi, et je compte que d'un mot, il nous dira la vérité. Je vous demanderai, monsieur le ministre, de me faire l'honneur de me permettre de vous accompagner et de m'autoriser, en votre présence, à poser moi-même les quelques questions nécessaires qui, sans le fatiguer, pourront nous faire connaître, à nous qui sommes dans le secret, l'exacte vérité, nous confirmer dans notre espérance et nous combler de joie. Monsieur Desboisbilly dit alors au détective, « Mon cher Broquet, non seulement je vous permettrai d'assister à mon entrevue prochaine avec mon malheureux parent, mais même, je me ferai un plaisir de vous offrir une place dans ma voiture pour nous rendre chez le blessé. » Très touché de l'honneur que le ministre lui faisait avec une si cordiale sympathie, Paulin Broquet, peu après, prenait place à côté de M. Desboisbilly dans l'auto ministériel, qui ne tarda pas à les conduire devant la maison qu'habitait Simonet.